besoin de toi pour percer. T'as pas besoin de toi pour niquer. Ici, la rue t'attire, cette pute a trop de charme. Le premier des galériens devient le premier des clochards. Vas-y wesh, fais pas le crevard. On vit avec les cafards. Que je compare avec les stars, nique les stars. Je rêve de caviar, j'ai le cafard, j'ai mal au cœur. Quand MC ont mal au cul, pour de l'argent, ils font péter le trou de balle. J'ai la dalle, vas-y mec, va chercher la maille. Pas besoin de toi pour évoluer. Pas besoin de lui pour t'enculer. Pas besoin du rap pour briller. C'est pour vous. Ma génération. Ce morceau c'est pour mes cailles. Dans la vie je vois que la gagne. Ici y'a trop de perdants. En mode indépendant. Vas-y viens, viens c'est le gland. Trop de mes proches m'ont zappé. Aujourd'hui je suis pas bien. C'est à force de zigzaguer. Et si t'es un pété va te faire piner. Pas besoin de toi pour rapper. Pas besoin de toi pour taffer. Pas besoin de Skyrock pour percer. Nique sa mère, la réinsertion. Mon frère, j'ai les nerfs. Avec ma haine, je pourrais remplir des conteneurs. J'te fous une claque, ça claque. Pas besoin d'être une baraque pour casser la baraque. Nique les Schmitt. Casse les dits à Fleury. Ici c'est pas la Floride. Dans ma ville c'est pas Fleury. J'suis pas un MC, j'suis pas un PG. Nick PDG. Et me voilà reparti sur la mélodie. Pas besoin de toi pour évoluer. Pas besoin de lui pour t'enculer. Pas besoin du rap pour briller. C'est pour vous. Génération. Moi aussi je veux une trêve. Le système fait rien alors que d'autres crèvent. Bref, quand t'entends un coup de mitraillette, c'est que c'est trêve. Donne-moi les clés, que je puisse me casser. Que je puisse m'évader. Loin d'ici ça pue les pourris. Les faux MC, je leur chie dessus. Écoute frère, nique les lardus. Nique les lardus, je représente mes voyous. Pas besoin d'être une caille pour niquer tout. Jamais on se regarde à vous. Nique la garde à vue, tu m'as bien vu. C'est pour ma zip, ouais ouais. Nique les lardus, c'est trop morbide. Que mes frères se niquent le beat. Suce ma beat, mon rap t'envoie sur orbite. Avec un méchant beat. Désolé si je vous contrarie. Mon pote, vit à Paris. Pas besoin de toi pour rapper. Pas besoin de toi pour taffer. Pas besoin de Skyrock pour percer. Sa mère, la réinsertion. C'est la MIFA 92 Productions.